Extrait de l'ensemble intitulé Lune, voici l'ombe. Deux femmes des mieux m'ont apparu cette nuit. Mon rêve était au bal. Je vous demande un peu. L'une d'entre elles, maigre assez, blonde, un œil bleu, un noir, et ce regard mécréant qui poursuit. L'autre, brune, regard sournois qui flatte et nuit, saint joyeux d'être vu, digne d'un demi-dieu. Et toutes deux avaient, pour appeler le jeu de la main chaude, sous la traîne qui bruit, des bas de dos très beaux, et d'une gaieté folle, auxquels il ne manquait vraiment que la parole, royal arrière-garde au combat du plaisir. Et ces dames, scrutaient l'armorial de France, s'efforçaient d'entamer l'orgueil de mon désir, et n'en revenaient pas de mon indifférence.